l'impression qu'ils vont sur toi, ne paye pas ton loyer, on a un problème, ta gueule. Mais c'est une décision, quoi. Pourquoi vous ne parlez pas de musique, ta? Mais c'est une décision, ça m'a lancé. Pourquoi vous ne parlez pas de musique, ta? Hein? Regardez. Ça m'a mis ses métiers, fait bien tourner, c'est en l'air. Clip. Clip seulement. Mais sinon, quoi de voir de musique, monsieur? Où j'en ai donc, on peut vivre des musiques, monsieur? Ça m'a dit qu'à l'été. Comme monsieur Bido, j'ai placé ça grave. Quand même, moi, si mes métiers font pas Bido, c'est pas moi, moi, il va aller dans moi. Gros Sam. Ma raison, je suis. Gros Sam. Mais le moment, ça ne peut pas Gros Sam. Aïe, coquille, maman, tu m'as coumé. Aïe, coquille, maman, tu m'as coumé. Aïe, coquille, maman, tu m'as coumé. Aïe, coquille, maman, tu m'as coumé. Hey, moi, même pas mêlé. L'année des nègres qui passent à ouais, nègres passés. Parce que la vie ou tout, et puis ta yo salé. Yo ka parlé mafia, et que poko paré. Yo n'y plus qui vêt en, et quand y'a pas changé. Real soldat, c'est mouté et kamouté. Un homme pas kawaché, un homme pour toi, et coquille. Pas fâché si moi kavassé. Pas garder moi, flex co, ti ma koumè, check co, zafè moi, pas zafè ou, ay toi vai wed eko chipe di co, gale hypocrite la ka gade moi, yo ka mal parle moi, yo ka gade ou, eh ben nou ka y fè anti dos ba yo, comme yo ka gade nou, gade ça, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, ba yon dos ko sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, hey. Aïe coquille maman ti m'a coumé. Aïe coquille maman ti m'a coumé. Aïe coquille maman ti m'a coumé. Aïe coquille maman ti m'a coumé. Hey, aïe coquille maman ti m'a coumé. Aïe coquille maman ti m'a coumé. Aïe coquille maman ti m'a coumé. Aïe coquille maman ti m'a coumé. Hey. Vous-même, quand vous êtes musique ou pas musique, musique, musique, gayo, donc la faute aussi. Arrêtez pas babouga. Il s'en va au bonhomme. Aïe coquille maman ti m'a coumé. Aïe coquille maman ti m'a coumé. Aïe coquille maman ti m'a coumé. Aïe coquille maman ti m'a coumé. Aïe coquille maman ti m'a coumé. Aïe coquille maman ti m'a coumé. Aïe coquille maman ti m'a coumé. Aïe coquille maman ti m'a coumé. Aïe. Thank you.